des émotions et de leur sens, de leur portée, mis en abîme, en déraison, en liberté. Même si c'est tard, j'aimerais lire chaque soir, éviter les petits cauchemars, garder espoir. La lune est belle et je ne sais pas comment on dit, c'est sûr il y a un mot pour elle, un graffiti. Quelle richesse que notre langue et puis les livres, les mots et les paroles, exemples qu'on fait survivre. On part jamais sans une trace ou sans rien dire, on laisse une excuse, une lettre en souvenir. Je dois écrire positivement, je sais qu'on en parle tout le temps, que demain il sera trop tard, que je dois y mettre de l'espoir. On n'est pas loin d'un truc super mini, pas loin d'y arriver. Nos sentiments au fond sont ternes, mais je ne dois rien révéler. Mais il n'y a pas une chanson, pas un poème, une oraison qui raconte avec raison notre détresse, nos illusions. Aujourd'hui en fermant les yeux, on paraîtrait plutôt joyeux. Pourtant ce soir à mon départ, tu sais je t'aime, ton cœur est noir. Quelle richesse que notre langue et puis les livres, les mots et les paroles, exemples qu'on fait survivre. On part jamais sans une trace ou sans rien dire, on laisse une excuse, une lettre en souvenir. Tu sais si Vlad un jour il pleure, s'il perd le pari de la vie, je donne pas cher de notre chaleur, on ressemblera à Paris. Beau monument, belle apparence, coucher de soleil sous un fond gris, dans la ville de la romance, je perds mon souffle, je m'avachis. Allez, décroche le téléphone, viens me rejoindre, on va courir et hurler à se rendre à faune sur les chemins de l'avenir. Regardez le beau ciel bleu, se dire qu'on est enfin heureux, tout essoufflé, allongé.